La chronique de chasse de Mathieu Roy, une présentation de Alltech. Vous craignez la chaleur pour votre prise durant la chasse? Alltech a tout ce qu'il vous faut avec un nouveau système de réfrigération à installation rapide pour une chambre froide. Venez en magasin rencontrer nos professionnels qui vous expliqueront cette nouvelle technologie au 428e avenue d'Olbeau-Mistassini. Alltech, 418-276-4436. Toute notre équipe souhaite une belle période de chasse à tous les chasseurs et vous invite à la plus grande prudence pendant cette période. En vient, chez Dolbeau Oxygène, on a tout ce qu'il vous faut, que ce soit propane, cuisinière, glacière, notre équipe saura bien vous conseiller. On a aussi un vaste choix de chaufferettes. Dolbeau Oxygène, 303 8e avenue, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0555, 418-276-0555. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent une belle période de chasse à tous les chasseurs et est fier d'être un partenaire de la chronique de chasse de Claude Roy. On va parler avec notre ami Claude Roy, c'est la chronique de chasse finalement. Salut Claude! Bonjour, comment ça va? Ça va bien, on a lâché la pêche pour la chasse. Tu veux nous parler de cette première chronique? Tu veux nous parler de la protection du territoire? Ouais, ben là, la prospection du territoire. Là, on est au printemps, on est allé se faire des salines. Okay. Pendant l'été, j'espère que quand on est allé, on n'est pas allé trop souvent. On a mis des caméras, puis on a été bien, bien discret au moment où on se déplaçait en forêt pour aller voir nos salines, nos installations. Là, il va y avoir une concentration de pommes qui va se mettre, puis de carottes pour la chasse aux chevreuils. Vous autres, c'est plus l'orignal. Il y a bien des gens de votre région qui vont descendre pour aller faire la chasse aux chevreuils. Donc, on pense que à mettre des poches de pommes puis des tonnes de carottes, ça va aider. Les pommes pourrissent, les carottes pourrissent aussi. Donc, moi, j'aime autant les en mettre pour qu'ils en manquent, pour qu'ils reviennent, que les en mettre des tas pour qu'ils viennent écœurer. Tu sais, quand t'as mangé trop de poutine dans ta semaine, tu veux changer de légumes, tu veux changer de choses. Donc, les chevreuils sont pareils. Les chevreuils orignaux sont pareils. Ouais. Donc, là, on a trouvé notre territoire. On sait quelles places ils sont. On sait comment ils vont se déplacer. Mais ça va tout changer, ça. Parce qu'en réalité, ils vont devenir hyper méfiants. Mm. Quand on les voit pendant l'été, ils sont pas méfiants parce qu'ils sentent pas de phéromones de danger. Alors que là, on va devenir des prédateurs. Quand on va rentrer en forêt, ça va être comme si on rentrait une meute de loups en forêt. Donc, c'est ainsi, là, les chevreuils et les orignaux n'ont pas peur. Mmh. Mais tantôt, ils vont avoir peur. Donc, okay. Ça, c'est une chose bien importante. J'espère que vous ne ferez plus de bruit à partir de maintenant quand vous allez aller à vos salines. Parce que ça, c'est vraiment important. Si on veut que le couloir change de place, ben c'est d'y aller, encore une fois, en jasant avec le beau-frère, en prenant une bière, puis peut-être en s'en allant sur notre chemin, on va faire une petite piste parce qu'on a envie. C'est la dernière chose qu'il faut qu'on fasse, parce que là, le chevreuil va atteindre son paroxysme dans son développement avec le rut qui va commencer. Là, on couvre, un territoire, un boc mature, il va couvrir un territoire d'à peu près 300-400 mètres carrés. Alors que plus on va s'en aller vers la période, plus il va atteindre son territoire, agrandir son territoire jusqu'à 1,5 km². Puis au début du mois d'octobre, là, on va aller jusqu'à même 15 km². Donc, c'est plus la même chasse partout. Ça ne veut pas dire qu'il va repasser des mêmes endroits. Okay. Une dernière chose, quand on va là-bas, bien sûr, contrôlez vos odeurs. Faites attention à ce que vous portez. Faites attention à ce que vous faites. Encore une fois, je l'ai dit tantôt, allez pas uriner dans vos sentiers ou dans le chemin, le trajet où le chevreuil va emprunter. Il va vous sentir à 100 000 à la ronde, donc il reviendra pas, il va avoir peur. Donc faites bien attention quand vous vous déplacez. On peut mettre du tampon d'odeur sur ses bottes. Donc on peut le faire avec ce qui est vendu dans l'industrie ou encore mettre des tampons avec lesquels on va imbiber d'odeur et qu'on va traîner en arrière de nos bottes pour justement faire des lignes d'odeur qui sont pas dommageable pour le chevreuil. Donc là, on va parler du chevreuil. La semaine prochaine, on parlera de la chasse à l'orignal. Merci, Claude. On s'en parle la semaine prochaine. Je veux dire, mon ami. C'était la chronique de chasse avec Claude.